Je me sens calme, je me sens bien. Je me sens léger et serein. Les yeux fermés, je sens au loin la douce lumière du matin. Allongé, les yeux fermés, j'ai l'impression d'être inanimé. Mais que m'arrive-t-il en cette journée? Je comprends pas, je voudrais hurler. Mais ma voix ne porte pas, mes lèvres fermées restent sans voix. Personne ne sait que je suis là, je veux sortir de cet état. Et ma femme, je ne la sens pas, elle devrait être tout près de moi. Je souhaiterais me réveiller et comprendre ce qui s'est passé.